Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. C'est Halloween et il fait froid. Pourquoi fait-il toujours aussi froid ? Gotham la Blanche n'a plus été aussi glaciale depuis des années. Un coup du sort qui s'acharne étant donné le nombre phénoménal de citoyens privés de domicile, ou lorsqu'ils en ont, encore une, de chauffage. Depuis le début de la campagne d'expulsion des habitants hors du quartier maintenant connu comme Arkham City. Le Hour Alibi semble fonctionner à présent. Il n'atteindra jamais véritablement les hauteurs de son prédécesseur, le My Alibi, tant qu'il se trouvera au centre du zone de quarantaine, mais ses propriétaires peuvent s'estimer heureux. Peu de commerces subsistent encore dans les parages sans l'aide de seigneurs du crime prêts à investir. Les propriétaires, d'ailleurs, se rapprochent toujours plus du rendez-vous avec Voka, le malfrat au service de The Whale, qui cherche à les déloger. La paix, la guerre, quelque chose entre les deux, il est encore difficile de savoir avec certitude ce qui en ressortira, mais mieux vaut être prêt. Dans le sous-sol de ce petit pub, comme à leur habitude maintenant, les discussions vont bon train. Il faut discuter du présent, prévoir l'avenir et éviter les problèmes. Vous avez appris, semble-t-il, lors de votre dernière opération, que ce fameux Voka n'agirait pas au nom de son patron, mais bien de son propre chef. De quoi, possiblement, jouer contre lui. Oseront-ils faire face, ou finiront-ils par se défiler ? C'est à eux de nous le dire. Salut PE, salut Ruby. Ça va ? Allô ? Salut, salut ! Bon, vous savez où il est parti encore, le... Yugovien ? Il doit partir, il est dû partir boire sa vodka là. Ah. Ou alors il a croisé un type qui l'a traité de russe sur le chemin, et puis peut-être qu'il est parti lui faire sa fête. Ouais. Il va voir en fin au commissariat, voir s'il faut pas payer une caution ou deux. Dans quelques heures. Pour Michael Honor, faut regarder s'il y a pas un Michael Honor avec un fichier. Si vous voulez, je peux regarder si vous avez envie. Non, mais je pense que. Ça va aller, il doit être avec. Avec ses compatriotes, c'est en train d'essayer de trouver un business, comme d'hab. Bon, comment ça se passe pour toi, JB ? Bah écoute, j'ai un peu mal au niveau du thorax, mais sinon, ça se passe bien. Et vu que la dose de médicaments qu'ils m'ont filé, j'ai plus trop besoin de j'arrive pas. Ouais, t'as pas besoin de te droguer, quoi. On a compris. Visiblement, il est encore un peu en manque. Ouais, non, mais ces médicaments doivent le shooter encore un petit peu. Mais le médecin m'a dit qu'il y avait moyen d'arrêter cette drogue pour que je sois beaucoup plus efficace. Savez où ? Tu sais que ça, c'était quelque chose qui était. Je pense que c'est pas mauvais comme conseil. Ça pourrait te servir. Du coup, j'ai suivi son conseil. Du coup, j'ai suivi une thérapie de drogué anonyme. C'est bien. C'est bien, c'est bien. En tout cas, t'as eu chaud, hein. Dire que t'es pas passé loin cette fois-ci. C'est pas la première, c'est pas la première fois avec les Chinois. Ça a été la même chose quand je faisais pas leur boulot. Ouais. Tu pourras remercier quand même notre pote qui a quand C'est même qui fait tu vite veux? pour t'emmener là-bas. C'est qui? C'est Il a le déjà vieux? oublié? Oui, le vieux, ouais. Ah, bah je vais le remercier. Bah, si je le Ouais. croise. Bon, après, il suffit de l'appeler, il viendra, hein, si t'as quelque chose à lui dire. Du coup, vous voulez qu'on fasse quoi? Bon, on fait Tandis que quoi, ouais? vous. Tandis que vous discutez encore un petit peu, que vous accueillez de nouveau Jean-Baptiste dans l'équipe, vu que ça fait une semaine un peu que vous bossez sans lui, vous êtes dérangé par Megan, donc une de vos employées que vous aviez récupérée, du fameux duo que Jean-Baptiste justement a recruté, donc qui toque à la porte et qui l'entr'ouvre et qui vous dit désolé, mais il y a un vieux gars qui veut vous voir habillé en Ivy. Ok. Je le fais rentrer ou vous allez le. Il y avait une virgule dans la phrase. on va aller le voir, on va aller le voir. Du coup, elle referme la porte et vous laisse tranquille. C'est qui Bah, du ce coup, hippie? bah écoute, on va voir et puis on verra bien de toute façon. Hein. Du coup, je commence à sortir de la pièce. Moi, je suis PE. Bon, vous allez voir, oui, bien sûr. Du coup, vous ressortez du coup de la partie arrière du bar pour vous retrouver dans la partie publique. Et vous avez en effet accoudé au bar un vieux habillé, vraiment assez vieux, il a l'air 80, 90 ans, un truc comme ça, qui a en habit de hippie, c'est un mec qui a jamais quitté les années 60 et 70, quoi. Et vous le connaissez en réalité, vous l'avez peut-être oublié depuis le temps, mais c'est un des premiers gars auxquels vous avez fait appel quand vous êtes lancé en tant que groupe uni, c'est celui qui vous avait permis d'avoir des papiers pour Marco la première fois. Avant que Jean-Baptiste ne fasse appel à son pote hacker pour vraiment l'inscrire en tant que citoyen. Bon, on lui demande Ok. comment il va. Voilà, il s'appelle donc, je vous le rappelle, Jérémia, ou connu aussi comme GG le prophète. Comment ça va? Ah, mais vous êtes là! Ça va depuis le temps! Bah écoute. Très bien, vous. Ça va bien, ça va bien. Je reviens voir parce que j'ai. Ah, j'ai enfin réussi à faire ce que vous m'avez demandé la dernière fois où vous êtes venu, c'est-à-dire de pouvoir vous fournir des vrais papiers définitifs. Et justement, je me suis dit que ça pourrait vous intéresser si je vous fournissais aussi de quoi quitter le quartier. Ah ouais. Ça, c'est une bonne idée, ça. Ça, c'est intéressant. J'ai pris la liberté de le faire en avance, je savais que vous alliez forcément en avoir besoin. Donc si vous intéressez, on peut déjà passer à l'échange et Eh bien écoute, vous serez libre. dis-nous tout. Et du coup, vous voyez qu'il ouvre sa veste, il a une espèce de veste un peu verte, verte un peu pâle, il l'ouvre et dans la poche intérieure, il a plusieurs papiers. Il les sort et il les pose sur le bar. Et vous avez en effet du coup des papiers d'identité pour chacun d'entre vous qui sont à des noms différents de vos véritables noms, ainsi que la fameuse carte nécessaire que chaque citoyen doit avoir s'il est accrédité, s'il a l'opportunité, enfin le, oula, je perds mon français ce soir. C'est le pass. Il a l'autorisation de passer la frontière du coup entre Arkham City et le reste de la ville. Eh ben, écoute, c'est magnifique. Je peux regarder? Je prends une des cartes. Allez-y, allez-y. Là, je regarde et... Tu regardes, je regarde juste ce que tu as en bureaucratie. Tu as zéro. Non, mais je... Toi, bon, tu n'es pas spécialement là-dedans, mais t'as l'impression que c'est quand même... Toi, en tout cas, si on te montrait ces papiers, tu laisserais passer quelqu'un. Ouais, ouais. Bon, après, c'était plus... Pas vraiment pour regarder si c'était fou, enfin si ça faisait vrai ou faux, mais c'était vraiment pour regarder comment c'est fait, voilà. C'est bien fait, hein. Je tends ça à JB. Tiens, regarde. Ouais, je regarde. Je check aussi, du coup. Bon boulot. Bien, très bien. Bon boulot. Attends, est-ce qu'il y en a qui ont de la bureaucratie pour moi? C'est ce que je suis en train de vérifier, mais je ne crois pas. On est tous mauvais. Personne. Ça vous semble tous être de très bons papiers. Et il en sort d'autres et il vous dit j'en ai aussi pour vos deux autres amis, l'étranger et l'autre femme que vous aviez avec vous. Ah, ok. C'est génial. Donc, ils sont pas là pour l'instant, mais ils reviendront. On leur donnera. Ouais, ils vont pas tarder. Très bien, très bien. Je pense qu'on peut parler monétairement alors. Ah bah évidemment, on s'attendait bien à ce que tu nous en parles. C'est pas gratuit. Non, c'est pas gratuit malheureusement, mais comme c'est une grosse commande, je vous ferai peut-être une petite ristourne pour la prochaine fois. Ouais, pour la prochaine fois. Ou alors on descend tout de suite. Oui, ah, comment tu l'as dit quand même, il s'est figé. Et quand vous êtes mis à rigoler un peu, il a fait ah. Ah, Ruby, on te refait pas, toi. Hein. T'as vraiment le mot pour rire. On fait des blagues, mais c'est des blagues que tu fais quand t'es au-dessus, normalement, quand tu pèses. C'est non, mais. Trois vélos dans un bar. Non, mais il y a un très bon endroit, un parc où il crame beaucoup de choses. Bon, alors, allez, parlons argent, parlons bien. Dis-nous ton prix. Bon, ça sera pas grand chose. Donc, vous voyez que du coup, il vous énumère en fait un calcul qu'il a fait lui-même en avant. Il a l'air de vouloir être assez précis sur les calculs qu'il fait pour que vous sachiez combien coûte chaque étape. Il parle de l'impression, il parle de la matière, il parle du nombre de papiers qu'il a dû faire, les cartes et tout ça. Et du coup, on va pas se compliquer la vie. Il vous dit une certaine somme qui est abordable avec vos moyens, qui n'est pas... De toute manière, vous avez acheté des flingues il n'y a pas longtemps, et c'est moins cher que les flingues que vous avez eues. Évidemment. Voilà, donc c'est acceptable, et on va pas s'embêter avec les sommes d'argent pour l'instant. Je vous embêterai avec de l'argent que si vous achetez des trucs énormes. Alors... on part du principe que c'est quelque chose qu'on va acheter, et que... Voilà. Oui. Voilà. Si, voilà, c'est dans vos moyens, sans vous handicaper. La seule chose... que je te dirais, moi ça me va en termes de tarifs, je pense qu'on va être ok. La seule chose, c'est que si la première fois qu'on la montre, on se fait recaler, tu comprendras bien quand on voudra récupérer nos sous. Évidemment, évidemment, j'ai un service de remboursement d'ailleurs. La moitié de l'argent est rendu. Ouais, après, la moitié. Si tu veux, PE, je peux appeler à Chinatown et ils m'envoient un expert et ils nous disent que si c'est du bon boulot. Non, mais on va lui faire confiance. Oui, oui. Après, la seule chose, c'est que on est d'accord que si on se fait caler dès le premier coup, on va s'arranger, évidemment. Il n'y aura absolument aucun souci, je vous certifie, J'ai commencé à faire des faux papiers dans les années 60 pour faire passer des Mexicains aux États-Unis. J'ai de l'expérience dans le domaine depuis ces années-là. Ouais. Tant que la mairie ne change pas les papiers nécessaires ou n'en rajoute pas, ce sera bon. Donc on est d'accord, vu que tu es sûr de ton produit, que s'il y a un souci, tu nous rembourses. Oui, la moitié est comme prévu. Allez, les trois quarts. Et on est ok. Allez, trois quarts, mais c'est parce que je suis dans votre bar et que vous pourriez me tuer. Allez, ça me va. Il y a un très bon endroit où il y a des crocodiles, c'est génial. Ça s'appelle... comment il s'appelle, le zoo, déjà? Ouais. Je me rappelle plus le zoo. Il doit connaître, t'inquiète pas. Oui, je connais. Bon, je ne vais pas vous déranger plus que cela. Si vous n'avez pas besoin d'autres faux papiers ou d'autres choses du genre, je... Cool, je vais m'en aller. Pour l'instant, non, mais si jamais on a besoin, on te tient au courant. On a son téléphone, de toute façon. Oui, il me semble que c'est Ruby qui a mon téléphone. C'est ça. Mais je l'ai partagé aux autres sur la conve. Ouais, bah donc la là, si jamais. Discord, Alibi. Si jamais on a besoin de toi, on t'appelle. Et puis si jamais on a eu un souci, on t'appelle aussi. Oui, évidemment. Vous pouvez me montrer votre téléphone, s'il vous plaît? Quoi faire? Je vais pas le recharger avant de partir. Je veux juste tester un truc. Au niveau du débit de l'électricité, on a eu des problèmes au niveau de l'électricité. On peut juste charger votre téléphone. Ah, bah attendez, mais il est justement branché. Attendez, je regarde. Il sort sur, vous voyez qu'il avait le téléphone qui est déjà branché à une de vos prises. Il sort le téléphone comme c'est fait. Non, ça charge assez bien. Il est. Aucun souci. C'est bizarre parce que j'ai essayé le mien ce matin et il chargeait pas, mais je pense que ça doit être la connectique qui marche pas. Il va falloir que. Je suis pas là depuis longtemps, mais ça a déjà gagné 5%. C'est déjà. Bien, ouais, mais bien du mien, alors. Ruby, je pense que tu vas être bonne pour changer quelque chose sur ton téléphone. Ouais. Bon, bah, au plaisir de vous revoir. Et il prend son chargeur, du coup. Allez, il s'en va. Salut. Je vais à l'informatique, je vais regarder, je vais checker ses données de téléphone. Très bien. Bon, je ne vais pas te demander G pour soi parce que ça avait déjà été fait il y a quelques sessions, le fait du système et tout ça. Donc tu vois que son téléphone est un téléphone, les données qu'il y a sont pas très vieilles, donc il doit changer de téléphone de temps en temps ou doit utiliser différents téléphones. Mais sur celui-ci, tu vois que c'est son téléphone civil, en gros, son téléphone de la vie de tous les jours. Donc tu as accès un peu à pas mal de choses, notamment les abonnements qu'il a sur certains services, t'as réussi à avoir ses contacts, cependant t'as pas accès à des choses que, par exemple qui te permettraient de lui voler de l'argent ou ce genre de choses. Ok. Bah, théoriquement, je regarde au niveau de ses abonnements s'il a gardé sa carte bleue dessus. Tu regardes au niveau de ses abonnements et a priori il n'y a pas de trace de la carte bleue. A priori les abonnements il a dû les prendre quand il avait un autre téléphone avant. D'accord, ok. Voilà, par contre dans les contacts du coup bah t'as Ruby, t'as d'autres personnes, t'as vraiment énormément de contacts, mais t'as surtout des contacts qui ont l'air d'avoir rien à voir avec, avec votre monde du crime. Ce que je fais c'est que je prends tous les contacts, je les supprime et j'en en mets qu'un seul. Si tu veux, mais ce sera pas sur son téléphone, du coup, en fait. Vu que c'était pour voler les données, ce que vous avez fait. Ah oui, c'est vrai. Oui, non, t'as pas accès pas à son téléphone, tu l'as pas hacké. Du coup, je sors un papier et je leur donne les différents contacts à PE, comme ça au moins ça pourra lui servir si jamais il y a un truc. Ok. Non, mais parce que voilà. Du coup, PE, j'ai rien trouvé à part tous ses contacts, qu'il a des abonnements. C'est son téléphone de la vie de tous les jours. Donc on pourrait... Si un jour il revient, je pourrais essayer de trouver un malware pour pouvoir regarder ce qu'il fait chaque fois quand il utilise ce téléphone. Mais il faudrait vraiment que j'arrive à l'obtenir. Ok. Mais je t'ai fait une liste de tous ses contacts. Comme ça tu peux regarder. Je note. C'est noté. Bon, après, ça nous dit pas tout ce que vous voulez qu'on fasse. Bon, on n'est que tous les trois et on a un boiteux. Donc, j'ai un trou ici. On n'est pas sur la main sur un petit truc, je sais pas. Alors, soit on essaye d'avancer un petit peu avec nos relations actuelles, soit on va se faire un petit braquage, un petit truc, on dévie... Un camion banquier, un truc comme ça. On est dans une banque, je la sèche tout le temps. Hein. Dis-moi, JB, t'as dit que t'as bossé avec les gars de Chinatown. Ouais. Est-ce que tu pourrais pas essayer de dégoter un boulot? Un petit boulot pour nous? J'ai autre chose à te proposer. Vas-y, dis-nous. Il y a un truc qui manque cruellement dans ce bar, c'est des clients. Est-ce qu'on n'essaierait pas de régler une bonne fois pour toutes ce problème-là? J'ai plusieurs trucs à vous proposer. Il faudrait que ce soit discret, mais on pourrait par exemple essayer de se débarrasser des camions de livraison ou au moins du camion principal de livraison de la concurrence pour essayer de les mettre à sec. Ou, mais tout ce qu'on fait, il faut que c'est l'air accidentel. Évidemment, quand on en parle, on se met dans l'arrière-salle, hein, par le principe qu'on est retourné oui. à la planquée. Je veux parler de ça devant les clients. De toute façon, il n'y en a pas de clients. Mais du coup, je pense, moi j'ai envie qu'à partir de la semaine prochaine, le Hourly Bee, ça devienne le nouveau bar UP du quartier, donc de Arkham City. Et il faut qu'on trouve comment est-ce qu'on peut y parvenir. Il faut qu'on vende de l'alcool qu'on trouve nulle part ailleurs à des prix qu'on trouve nulle part ailleurs. Il faut qu'on détourne des chargements et qu'on les fasse tomber dans le fleuve, qu'on fasse passer ça pour un accident de la route, qu'on fasse couler la concurrence. Je veux... Tous ces trucs-là, quoi. Techniquement, on a combien de bars susceptibles de nous faire concurrence dans notre secteur, dans Arkham? Alors, dans Arkham, si vous regardez la petite carte que je vous avais fait spécialement du quartier d'Arkham, ouais. Il y a, mis à part le Hour Alibi, il y a The Pub, qui est dans la zone irlandaise. Il y a le Kremlin Club, évidemment, donc celui où vous avez déjà été bossé. Et sinon, vous avez le Bandera Café chez les Ukrainiens. Pourquoi pas prétendre une fuite de gaz dans l'un des bâtiments? On fait tout alors, sauter. Si j'ai envie de dire, essayons de ne pas toucher au Kremlin Club. On a déjà quelques petits contacts, on s'est bien mis... Enfin, on est bien vu par eux. On va éviter de... Voilà. Par contre, les autres... On les connaît pas, on peut partir du principe qu'on en a rien à secouer. Par contre, je pense que le Kremlin Club, il vaut mieux qu'on soit bien avec eux. J'essaie de trouver moyen de se faire un gros coup de pub. Ah, je peux faire un gros coup de pub aussi au niveau de Chinatown aussi. Mais j'avoue que je ferais bien péter la pizza là. Juste comme ça, parce que c'est une pizzeria. Non, parce qu'ils m'ont envoyé chier quoi. Comme un malpropre. Alors, c'était pas celle-ci. C'était laquelle alors? C'était pas dans Arkham City. Ah bon, bah alors je dis rien là. Mais j'ai le plan. Mais c'est une pizza quand même. J'ai le plan. On détourne un camion de livraison. On vide les stocks et on le met dans un de nos véhicules qu'on envoie ici. Donc déjà, on se fait du stock gratuit. Donc on va pouvoir baisser nos prix. C'est hyper compétitif. Ensuite, on met une bombe dans le camion. On vient livrer. On fait sauter le camion. Et on fait en sorte que ça passe pour une fuite de gaz. Ils feront pas le lien, il faut pas qu'ils comprennent que l'explosion vient du camion, on corrompt la poche d'un ou deux flics. Ils pensent que c'est une fuite de gaz et boum, on élimine la concurrence. Et en plus, nous, on se fait des stocks, on peut baisser nos prix. Bah, et du coup, dans ce cas-là, il vaut mieux qu'on sache à peu près où est la conduite de gaz et on mettrait le camion à côté. Est-ce que... Il faudrait savoir sur tous les camions. En barre, mais qu'est-ce qui pourrait faire aussi que les gens aient envie de venir plus que ici plus qu'autre part? Est-ce qu'il faudrait qu'on se trouve, je sais pas moi, une chanteuse, un humoriste qui viendrait, un gars ou un dealer particulier Après, est-ce qu'on a vraiment envie que ça finisse en... Une chanteuse, ce sera bien. Ça amène tout le monde, les chanteuses. C'est ce qui faisait chaud. Ouais, mais j'ai envie de dire, le Mayalibi est pas très grand non plus. Enfin, le Hour Alibi, excusez-moi. D'ailleurs, les billes n'est pas très grand non plus, donc... On peut commencer à envisager d'acheter les trucs autour de nous. Les acheter ou les récupérer comme on peut. Mais après, je pense que on pourrait passer par JB, qui peut hacker un peu les sites pour faire de la pub détournée du café, du bar. Et après, bah, c'est des flyers, c'est des trucs classiques. On peut demander à nos employés, c'est des petits jeunes, qui fassent passer leur réseau pour essayer de faire de la pub de leur côté. Puis ouais, avoir un truc... Mais JB, je pense que tu peux faire du taf là-dessus. Mmh. Après, ce qu'on pourrait faire, c'est si on veut avoir le réseau des, comment dire, les camions, les heures et tout ça qui passent, il faudrait peut-être inviter la concurrence pour avoir leur téléphone et tout ça et savoir quand ça passe. Si vous voyez ce que je veux dire. Comme ça, on sait quand ça passe. Ils se doutent de rien. Après, je dis que... En même temps, ils vont se douter de quelque chose. Mais l'idée est pas mal. Si on les invite, qu'en même temps leur camion se fait détourner et que juste après leur barre explose, ils vont se douter d'un truc. Non, mais sinon, on les observe. Il faut trouver la manière de les agencer. Mais les idées on peut les observer, dans un premier temps. Il faut que je précise quelque chose, parce que peut-être que ça n'a pas transparu assez dans ce que je disais au début. Vous avez le temps de faire des choses aujourd'hui, mais c'est aussi le jour de votre deadline pour les menaces qu'on vous a fait. Et aujourd'hui que vous avez prévu normalement d'aller voir le fameux avocat et de lui mettre, enfin d'essayer de faire quelque chose. Mais vous avez le temps de faire des choses avant. Ouais, c'est en soirée que vous allez le voir normalement. D'accord. C'est peut-être que Marco se sera repointé d'ici là. Possible. Déjà, ça serait un truc intéressant. Ça se trouve, il est déjà en train de le frapper. Y aller, hop. Oh, ça pourrait être un truc, ça. Si on se trouvait un bon flic corrompu, on pourrait aussi essayer de faire fermer un débat. Ouais. Et le flic corrompu, il faudrait trouver des choses pour le faire chanter. Ouais, attention. Faut faire attention quand même. L'idéal serait quand même savoir les allégeances de chacun des bars pour pas qu'on s'attaque à un trop gros morceau. Parce que si par exemple on s'occupe d'un pub qui appartient à un tel ou un tel, je pense qu'un flic corrompu, il faut pas qu'il sache à qui il a affaire. Mais on pourrait l'appeler en vidéo sur son téléphone et on demande à JB de mettre une cagoule ou quelque chose comme ça, ou de se créer une identité secrète comme les gars qui traînaient un peu épais qu'on voyait dans les journaux là, le pingouin, ces gars-là. On lui crée un truc et comme ça le flic a l'impression de bosser pour quelqu'un d'important, mais jamais on lui révèle que c'est nous en réalité. Non, mais honnêtement, je pense que l'histoire du camion détourné est plutôt bien, ça nous implique très peu. Et si on peut défoncer le pub à l'heure où il est fermé, bien sûr, pour éviter qu'il y ait des personnes, et bien le temps qu'ils fassent réparer, ben, ils seront fermés tout simplement. Souvent c'est tôt le matin. C'est la faute à pas de chance, quoi. Je pense que c'est moins risqué qu'aller commencer à chercher dans le flic corrompu, parce qu'on n'a aucune idée vraiment de qui on a affaire. Mais le flic corrompu, c'est pas une mauvaise idée. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Est-ce que du coup JB, lui, il essaie d'enquêter sur internet pour essayer de hacker 2-3 trucs pour choper la trajectoire des camions? Avec un peu de chance, il y en aurait aujourd'hui. Justement, je me disais que c'était le jour des livraisons, normalement, c'est ça qui m'a donné l'idée. Juste derrière, moi je peux essayer d'aller recruter des gens que je connaissais pour faire déjà serveur, serveuse et puis peut-être une chanteuse, hein, qui sait. Peut-être qu'on va trouver un truc. Si vous voulez, je peux contacter des anciens. Si tu peux essayer d'aller faire de la pub, ou peut-être que toi tu peux les recruter et que moi je peux aller faire de la pub, c'est peut-être plus ça. J'ai un petit réseau. Maintenant, après, je pense aussi, JB, il faut que tu fasses marcher ton système en essayant de hacker un peu les sites où on pourrait potentiellement toucher des jeunes ou des un peu plus âgés, et de les faire venir chez nous. Non, je peux essayer. Une chanteuse, peut-être qu'il faut que je fasse un test de contact avant, je l'ai inventé. Est-ce que j'ai un contact de chanteuse parmi mes contacts, du coup? Possiblement, je vais te demander un jet de contact. Alors. Du coup, moi, je voulais savoir, Chinatown, je suis en lien avec la triade ou avec les Yakuza? Monsieur l'AMJ. Moi, j'aurais pensé la triade, mais bon... Ils sont dans Chinatown avec la géopolitique criminelle qui s'est développée dans le reste de la ville et tout ça. Tous les gangs asiatiques sont un peu dans un commun accord de bosser ensemble. C'est un échec. Je connais pas de chanteuse. Ok. Mais je connais un gars qui pourrait... On connaît tous ce mec-là. C'est un gars. Alors moi j'ai regardé vite fait. A priori, donc j'ai contacté un petit peu autour de moi. 30 sur 35, pour comme ça tu le sais. Et voilà, Je peux peut-être faire appel à des gros bras, genre pour faire videur, tu sais, se mettre à l'entrée du bar pour faire un peu plus sérieux, ouais. Genre avec costard. Voilà. Ok. En effet, du coup, tu recherches un peu dans tes contacts et tu repenses à deux gars en particulier que t'as croisé pendant ton séjour au trou. Un était sorti un peu avant toi et l'autre devait sortir, là il a dû être sorti depuis. Et c'est des gars qui t'avaient semblé quand même être assez dignes de confiance, qui avaient le physique qu'il faut pour impressionner et que tu penses pouvoir mettre à profit. Ouais, tu ça leur fait un petit job, un job d'appoint, tu vois, ils viennent là le soir... l'ouverture et puis voilà. Tu les contactes donc et ils sont absolument ouverts à travailler et on peut se faire de l'argent. Hein. C'est parfait. Quelqu'un d'autre fait autre chose ou non? Bah moi je vais essayer de voir si je pouvais pas contacter mes potes de la triade, voir si je les connaisse pas des gens ou des fantaises. Mmh. On ne sait jamais. Ok. Bah fais moi un jeu en contact alors. Combien en contact hein. Bon, en fait. J'ai fait 51 et j'ai combien en contact? 40. Ça passe pas trop. Ça ne passe pas. En effet, tu regardes dans tes contacts et t'étais pas spécialement en contact avec ceux qui étaient liés avec la scène du spectacle, donc bof, je n'en trouve pas. Ok. Bon. A priori, si vous avez réussi à mettre un peu de sécurité dans votre bar, mais pour l'instant, pas de quoi faire de spectacle ou de faire des événements. Oui, c'est sûr. Après, faut déjà commencer par faire venir un peu de clientèle et puis au fur et à mesure, on pourra prévoir de faire tout ça. Ouais. Vous avez parfois des gens qui viennent au bar et ce genre de choses, mais c'est vrai que ils pourraient être beaucoup plus actifs. Voilà. Écoute, on a commencé il n'y a pas si longtemps finalement. On peut pas arriver à faire des miracles. En tout cas, voilà, maintenant. Si on peut voir pour un peu surveiller les allées et les venues des livraisons chez les concurrents, pour un petit peu noter les jours de livraison et les heures, et puis après bah, on avisera sur quel bar on se focalise au début, et puis voilà. Je sais pas si vous voulez vous y prendre pour vous renseigner là-dessus. Bah à la limite moi je peux encore faire appel à des contacts, voir si j'ai pas des gens qui connaissent un peu le secteur ou qui peuvent se poster pour regarder. Ah, tu veux juste engager des gens pour les placer quelque part dans une rue? Ouais, genre en face, genre ils se posent en face du bar pour regarder comme ça et noter... le camion il arrive à telle heure parce que ça évite. Enfin, c'est quand même le truc le plus discret du monde. Okay. Et c'est. Enfin, voilà, t'as pas besoin de lui payer une fortune pour noter que le camion il est arrivé. Je vais même pas te demander le jet de contact parce que c'est pas forcément une expertise particulière dont t'as besoin là. Ouais. Donc oui, tu te trouves 3 ou 4 gars à placer autour des bars. Est-ce que vous visez un bar en particulier entre The Pub et le Bandera Café? On devrait le faire sur les Ukrainiens. Parce que les gens... Bon, moi, ça me va, de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, on s'en fout. Puis à la limite, si le café fonctionne... Enfin, si le bar est détruit... du coup, c'est un bar qui était pas loin de la port de pêche, non? C'est ça? C'est ça. Ouais. Après, on peut peut-être proposer nos services pour aider. Et du coup, se faire bien, bien voir chez eux et faire coup double. Avoir un accès à un port. Parce que pour l'instant, on n'en a pas, nous. Ouais. Du coup, bah, tu as placé tes gars. Tu as demandé à tes gars d'aller surveiller par là. T'en as trouvé facilement. Hein. Il y en avait certains qui avaient l'air plus professionnels que d'autres. Ouais. Certains qui étaient très contents d'être payés pour surveiller un bar. Ouais. Parce qu'ils sont payés pour boire, au final. C'est ça. Est-ce que vous arrangez d'autres choses par rapport à ce fameux plan de sabotage de la concurrence? Je pense que je pourrais regarder au niveau de leur financement, combien ils gagnent, est-ce que ça vaudrait vraiment le coup de les faire couler? Peut-être qu'ils galèrent autant que nous. Donc, je regarde un peu quand même au cas où. Si on peut pas les faire couler aussi au niveau financier, quoi. Ok. Tu regardes avec l'informatique et tout ça, j'imagine. Ouais, je vais surtout. Je vais te demander du coup un G là-dedans. Un G de informatique, mon cher. J'ai fait 3. 3 ? Ouais, 3. Ok, d'accord. Du coup, tu regardes un peu les sites qui sont liés, parce qu'ils ont un petit site qui est lié à leur Bandera Café et tout ça. Et tu te rends compte que ce site est codé avec le cul. Il a été codé par on sait pas quel gars qui s'est pris pour un spécialiste et au final ça ressemble à rien. Et juste tu tapes 2-3 trucs et tu trouves directement une faille dans leur sécurité. Tu fais bon, bah, tu t'y enfonces sans souci. Tu rentres à l'intérieur et tu trouves immédiatement en fait toutes les données qu'ils ont de ranger eux dans leur partie interne du site. Et tu trouves que, bon, il n'y a pas l'accès à leur compte en banque ou quoi que ce soit, ce genre de choses. Hein. Mais tu trouves leur chiffre d'affaires. Tu n'as pas accès à pouvoir le récupérer, mais tu peux trouver combien ils ont, tu vois à quelle vitesse le bar sera rempli, etc. Et tu vois que le Bandera Café, il est assez apprécié. Il a un sacré chiffre d'affaires, il faut dire, pour quelque chose qui est dans Arkham City, qui est, je rappelle, du coup, un quartier qui est déjà sinistré de base, mais qui est encore plus de nos jours, vu qu'il est isolé. Il fonctionne bien, et pour une raison, c'est que déjà, il appartient, du coup, à la communauté ukrainienne, à la communauté qui est liée aux pêcheries qui est juste à côté, et ils s'en servent directement pour faire venir les alcools directement dans la pêcherie depuis l'étranger, et ce genre de choses. Donc, ils ont de l'alcool international, pour ainsi dire. Et en première main. Donc, est-ce qu'il y a moyen de faire pour déjà les déstabiliser? Bah, tu peux, si tu veux les faire chier, tu peux juste down leur site si tu veux. Je vais down leur site et je vais mettre, tu sais, une sorte de VPN qui me guide au gars qui a fait leur logiciel. On va commencer à mettre des tensions entre eux. D'accord, je vais te redemander un... Non, bah vas-y, t'avais fait 3, c'était quand même un bon jet. Je vais rien te demander. Tu donnes le site et tu places un petit malware, un petit truc là-dedans pour, en gros, pour pouvoir avoir quelques petites données géographiques sur les gens qui touchent à ce site. Pour l'instant, il te donne rien, mais il faudra attendre qu'il essaye de relancer le site, ce genre de choses, pour que les données puissent revenir vers toi. Et du coup, c'est une question que je lui pose, mais c'est quel genre de clientèle à qui ils ont affaire, enfin, la majeure partie de la clientèle, c'est quel type? Alors, le type de clientèle, que d'après ce que tu as pu repérer, toi, Jean-Baptiste, avec les données que tu as et tout ça... évidemment, sur leur site, ils vont pas marquer on a principalement des gangsters qui viennent chez nous. Ce serait un peu bizarre de marquer ça dans leur site. Mais a priori, ils se concentrent, ils se disent un peu comme un café pour les gens qui bossent, tu vois, pour les travailleurs. Un truc qui est au bord des pêcheries, qui est pour les gens qui travaillent au port normalement, ce genre de choses. Donc. C'est les workers, quoi. C'est les gars les dockers, tu vois. C'est ça. Okay. C'est ça. Ils jouent un peu sur le folklore un peu ukrainien et tout ça, mais vous savez que C'est pas le principal des gens qui vont chez eux, c'est un peu de tout Arkham City, etc. Parce que bah, y a déjà le Kremlin Club qui joue sur tout ce qui est slave. Donc Ok. sur ce côté-là, sur le côté communautaire, ils se font surpasser par le Kremlin Club. D'accord. Ok. Voilà. Après, j'ai toujours moyen de foutre le bordel dans leur site et tout ça, mais voilà, ce que je peux te sortir, j'ai bien évidemment, j'ai sorti par papier tout ce que j'ai vu, donc je lui file par papier. Et par contre, je lui dis bah, le truc, que je vais faire un double pour pouvoir le mettre sur nos serveurs à nous, que ce soit pas traçable, la copie. Mais je Ouais. te file ces papiers-là, PE, parce que entre brûler PE. après, sinon ça va être chaud aussi. Tu peux me l'appeler Pi. Hein. C'est... Puis tu te commences à te rendre compte que genre Jean-Baptiste il te file souvent des papiers et tu regardes ton petit coin du bureau normalement et tu commences à avoir plein de papiers. À chaque fois que Jean-Baptiste y hack des trucs, il te donne le compte rendu en papier. T'en as plein, il y a plusieurs disques durs Si, aussi sur mais le là... bureau de Jean-Baptiste, à chaque fois il fait des doubles et il y en a partout. Et après, je me dis, mais dans ma tête, je me dis, mais attends, mais le gars, c'est un pro de l'ordinateur et il fait de la paperasse tout le temps, quoi. On est dans l'ère du multimédia et tu fais des papiers, quoi. Toujours parce que imagine que tu perds un serveur parce que tu as un autre gars comme moi qui est un peu plus tordu, te détruisent et te hackent ton serveur et sache ce que tu fais. Bah forcément, si c'est détruit, bah tu sais que potentiellement bah tu peux avoir d'autres preuves et dire c'est pas mon serveur, Ok, on n'a pas de d'accord. papier. On peut garder les papiers sans qu'on le sache. Voilà. Ça Ça nous marche, ça passe quand marche. même un truc. Sinon, c'est que des lignes de code dans mon serveur. Enfin, dans mes serveurs. Ok. Bon, en tout cas, voilà, on a déjà quelques pistes de trucs. Et puis, quand on aura un peu plus d'informations par rapport aux livraisons et ce qu'il est possible de faire. Et eh ben ma foi, on se débrouillera. On avisera à ce moment-là. Étant Moi, je donné... propose... Puis... Pardon, vas-y. Vas-y, propose, après je parle. Moi, je propose un truc très simple. Je sais que dans ce genre de communauté, on doit trouver les failles. La faille, bon, déjà chez eux, c'est leur logiciel, mais qui est codé avec le cul, hein, on va pas se le cacher. Mais sinon, il faudrait qu'on, vu qu'il y a des dockers et à l'intérieur il y a des gangs, bah, il faudrait qu'on arrive à mettre un énorme conflit entre eux, quoi, pour que ça s'auto-détruise et que nous on puisse récupérer la Non, marchandise en vrai, sans ça, qu'il y ait de suppression. l'autodestruction, c'est... En vrai, c'est... Ouais. Il faudrait faire une crasse, un truc, et accuser l'autre. Oui, comme ça, s'il y a une division et nous on peut récupérer des choses sans détruire quelque chose ou sans tuer une personne. Parce que sinon ils vont vite voir qu'il y a quelqu'un qui essaie de faire ça et ça peut se reporter sur les Slaves. On va éviter que l'autre Russe commence à devenir fou à cause de nous, mais pour éviter, c'est ce que je veux dire ou pas? Après, si on veut créer des dissensions ou des tensions entre eux, il faut avoir de l'information, il faut avoir des billes pour pouvoir les mettre en bise-bise. Mais après, pour ça, je pense que tu seras plus à même d'en trouver que moi. J'ai pas beaucoup de réseau avec les Ukrainiens. C'est pas trop mon... Moi, j'en ai pas non plus, j'ai qu'avec les Chinois et les Asiates. Donc, Ouais, ça va mais pas être ça. t'as un ordinateur. Avec ça, Oui. normalement, t'as accès à tout. Je peux aller chez eux et me connecter à leur internet et trouver tout ce qu'il y a sur eux. Non, aucun problème. Mais il faut que j'aille chez eux. Ah. Je peux pas le faire depuis ici. Écoute, à l'occasion, t'iras boire un coup chez les Ukrainiens. J'aime pas la vodka en plus. Mais sinon, Ruby, vas-y, vas-y. Vu que tout ce que vous proposez demande du repérage et tout ça, vous Ouais. savez que évidemment, du coup, votre plan ne pourra pas être effectué aujourd'hui. Cependant, la machine est lancée pour plus tard. Tu voulais dire Pi? Ah non, rien, non, je faisais la conversation. Ok, d'accord. Moi, j'étais en train de me demander aussi, est-ce qu'on n'irait pas commencer à répandre la rumeur? Bon, je crois que je vais vraiment payer un type ou essayer d'aller retrouver un vieux pote à l'époque, un pote à moi qui traînerait un peu dans les rues, qui était dans le gang de l'épouvantail à l'époque. et de lui dire d'aller se poser justement de temps en temps dans des bars et de raconter un petit peu, ou dans des bars ou même dans des endroits un peu fréquentés par d'autres criminels, et de lui raconter la fois où il s'est fait choper par les flics, ils sont rentrés chez lui et tout, perquisition, et ils ont failli l'inculper pour le braquage qu'il avait fait la semaine dernière. Mais heureusement, pile poil à ce moment-là, alors qu'il était sur le point de finir les deux prochaines années en prison, il y a eu plus d'une dizaine de personnes qui ont pu attester avec. Et qui ont pu jurer au tribunal, enfin en tout cas pas au tribunal, mais en tout cas, de, on va dire au moins. Des témoins, quoi. Qu'on avait aperçu ce soir-là, dans un petit bar de Arkham City, dont évidemment je vous épargne le nom. Pour essayer de répandre la rumeur que du coup le titre, enfin le nom Alibi, il est pas là pour rien, quoi. C'est un petit peu, on est neutre, on fait pas partie d'un gang, mais globalement on est là pour on dépanne, quoi. Qu'il y a des petits tuyaux qui se vendent plutôt sympa là-bas, que voilà, si tu te fais choper, que t'es connu du coin, voilà. Donc voilà, j'ai essayé de trouver des potes de confiance et tout, parce que j'ai raté tout à l'heure manger. Donc je connais pas de chanteuse, mais au moins peut-être que... Bon, ça, j'imagine que ça va se faire, quoi. Puis au pire, je lis 2-3 billets. Voilà. Ouais. Je vais te demander, est-ce que tu cherches n'importe qui, du coup, dans tes contacts, ou juste t'essayes de trouver quelqu'un qui a de la bonne parlotte, qui sait bien baratiner, qui sait bien... Ouais, en qui j'ai un peu confiance. J'imagine avoir 2-3 noms en tête. Ok. Bah, je vais te demander un petit jet de contact pour voir si je trouve quelqu'un qui pourrait faire le boulot de manière exceptionnelle ou pas. Ok. J'ai fait 30, sachant que j'ai 15, il me semble. Donc c'est un échec, mais pas un échec catastrophique. C'est ok. Ça. Bah du coup, bon, t'essayes de réfléchir, d'essayer de trouver, et malheureusement, les beaux parleurs que tu connaissais de l'époque, ils ont soit disparu, soit ils sont morts, ou ils sont toujours enfermés quelque part, donc tu vas trouver forcément quelqu'un, tu juste lui dire, bah, va dans des coins et va dire ceci, cela. Mais ce sera pas le spécialiste de la parlotte. Mais voilà, t'en trouves un et il est lancé. Ok. Après. Très bien. Je vais vous demander 2 secondes et je serai là. Ok. C'est bon, il est là. C'est bon, je suis là. Donc. Non, donc. Vous avez donc lancé tous vos petits plans, vos petites machinations, avec l'espérance que toutes ces petites graines plantées donnent des arbres fruitiers bien sucrés. Et l'heure avance, et je vais vous demander, est-ce que vous avez toujours des choses à faire, ou est-ce que nous avançons jusqu'à votre fameux rendez-vous, vu que, a priori, de la journée, Marco n'a pas l'air de vouloir se montrer, il doit sûrement être peut-être au Kremlin Club où il doit bosser, il avait parlé d'essayer de se procurer de la radija pour le bar, peut-être qu'il est parti faire ça, mais il sera sûrement pas là de la journée a priori. Ouais, moi je vais essayer de contacter les chinois. Mm-hmm. Les contacts chinois, si c'est possible. Un de mes potes. Possible ou pas? Pour avoir du matériel informatique et... des renseignements sur tout ce qui est le petit port et tout ça, parce que vu que je pense que tous les Chinois, ils doivent, les triades doivent être partout, donc voir avec eux s'ils connaissent pas certaines choses et tout ça sur eux, quoi. Ok. Bah, je vais te redemander un jet de contact. Très bien. Eh bien, déjà, pour ce qui est du matériel, t'en trouves rapidement qui peuvent te donner ce dont t'as besoin pour améliorer ton setup et tout ce dont t'es efficace. Cependant, au niveau d'en savoir sur ce qui se passe dans la pêcherie qui est Arkham City, a priori, ça, il n'y a pas beaucoup de choses qui se savent de ce côté-là. La triade... c'est pas un des groupes, enfin c'est un des groupes les plus importants de Gotham, mais c'est le quatrième qu'on va dire dans le classement. Si on devait faire un classement des groupes les plus puissants de Gotham, et ils ne sont pas dans cette zone-là. C'est une des zones où quand t'as une tête un peu asiatique, on te fait pas forcément super confiance. Ce genre de choses. D'accord. Okay. Bah, je les remercie et voilà. Très bien. En tout cas, je pense qu'il va falloir qu'on... Qu'on y aille. Je pense que... Est-ce qu'on reste sur ce qu'on avait dit avec Marco? On se déplaçait directement chez lui. Dans son bar. Il était où exactement, lui? Il allait où? Au Kremlin Club? Non. Le bar où vous devez... Tu parles de Voka, c'est ça, le mec que ouais, vous Voka, rencontrer, Voka, ouais, ouais, ouais, ouais. Voka, il vous a été dit qu'il... il a fait du Iceberg Lounge son QG. Le Iceberg Lounge, donc, était le bar autrefois du pingouin avant que celui-ci ne meure. Il ne se trouve pas dans Arkham City. Et bien, on sort, on y va. Bon, maintenant, on a nos cartes, c'est l'occasion de les tester. Exactement. Et voilà. Vous montez donc tous les trois dans une voiture et vous décidez de quitter Arkham City, en route pour votre fameux rendez-vous avec Voka, pour essayer de vous en sortir au mieux possible. Vous arrivez au fameux passage d'un quartier à l'autre, où vous êtes arrêté de nouveau par la Nets Security, qui sont bien contents que tu leur tendes directement les papiers, sans qu'ils aient besoin de dire quoi que ce soit. Ils regardent les papiers. Ils demandent la même chose aux deux qui t'accompagnent, ils regardent les papiers. Ils vous regardent à vous et ils voient qu'ils ont l'air de vérifier un peu sur leur base de données. Ils ont des petites tablettes et ce genre de choses. Et a priori, sans vous fouiller, ils vous laissent passer. Allez, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Et vous avancez, vous quittez Arkham City pour alors le quartier où il y a l'Iceberg Lounge, que je me rappelle bien. Je n'ai pas révisé, je reviens tout de suite. Iceberg Lounge, je crois qu'il est... C'est ça, il est à The Hill, le quartier qui est sur l'île sud, pas loin d'un des musées d'histoire naturelle de Gotham. Ouais, je peux chier là. Voilà, c'est dans l'île sud, pas loin de New Gotham. Un musée pour les animaux. Quoi encore? Le Hill Sud. Ah. The Hill Sud. Ah, ok, ouais, d'accord, je vois. Je vois, ok, d'accord. C'est pas loin de la voie rapide. C'est ça. Juste en dessous de la voie rapide. Oh. Ok, ça marche. C'est tout petit. En sortant d'Arkham City, vous avez reçu un SMS de Marco qui a fini de faire ce qu'il faisait. Vous êtes donc passé là où il se trouvait, vous l'avez récupéré dans la voiture. Comment donc... Tu m'expliqueras comment il a fait pour sortir d'Arkham City. Vous l'avez récupéré juste avant la frontière Arkham City. Ah, la gueule, parce que... Et voilà. Marco, d'ailleurs, qui sera très content d'apprendre que ses compagnons lui tendent des nouveaux papiers. Ouais, avec Michael Trucmuche. Ce sont des papiers qui leur ont été fournis, qui sont les papiers nécessaires pour sortir d'Arkham City à chacun d'entre vous, vu qu'il y avait la nouvelle réglementation il n'y a pas longtemps. Oi, oi, oi. Vous êtes donc en route vers le Iceberg Lounge, où est censé se trouver Voka et sûrement pas mal de ses hommes, vu qu'il en a fait son QG. De cet endroit-là, il contrôle, a priori, la branche Arkham City de l'organisation de The Whale. Je vous souhaite échanger un peu, si vous voulez mettre un peu Marco au jus, ou s'il a des questions, sur comment vous êtes préparé, et après on continuera. Bon Marco, écoute, aujourd'hui on a un petit peu bossé en attendant de venir ce soir voir Voka. On s'était dit que ce serait sympa de un peu foutre le bordel dans les différents bars d'Arkham City, pour essayer un petit peu de se mettre un peu en avant. Et du coup, on s'est dit que ce serait sympa, pour l'instant, dans un premier temps, de nous occuper d'un des bars, le bar des Ukrainiens, et de leur piquer de la marchandise. Alors attention, on parle du Kremlin Club, hein. Là on parle du Bandera Café. Bien sûr, tu me prends pour con quoi. Kremlin Club et Ukraine, deux choses différentes. Voilà, donc... Pas chose. Donc, pas la même chose. On va. Là, on est en train de faire du repérage. On a payé des gars pour un peu zioter ce qui se passe au niveau des livraisons et tout ça. Peut-être détourner un peu leur livraison. Ou faire péter le bar un de ces quatre, on sait jamais. Et de son côté, JB a réussi un peu à hacker leur site pour avoir 2-3 informations sur eux. Et principalement, c'est ce qui va se passer. Moi, j'ai réussi à trouver deux videurs pour le Harold Libby, des potes de prison qui sont réglo et qui prennent pas grand-chose. Donc, ça se passera bien. Et puis, accessoirement, il me semble que Ruby, je crois que tu as trouvé quelqu'un, c'est ça ? La pub, pour raconter un peu ici et là, quoi. À Ruby, on sauve le cul de certains types de temps en temps, bah, justement, comme le nom l'indique, hein, on peut trouver des alibis, des trucs comme ça, on a un petit peu dans les bonnes grâces de tout le monde, histoire que les gens viennent tester ça à l'occasion. On vend des petits tuyaux aussi de temps en temps, ce genre de trucs. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses, mais pour commencer, c'est pas mal. Mais ça m'explique pas. Vous avez pris quoi ? Déjà, on a reçu commande ou on n'a pas reçu commande ? Reçu commande. De. Je crois qu'il veut parler de sa voiture et de ses armes. Il me semble que j'ai commandé la moitié de l'armement du Benelux. Je veux. On a reçu 2-3 trucs, check dans le coffre, vite fait. Oui, en effet, je n'en ai pas parlé d'ailleurs aux autres, mais en effet, dans la semaine qui est passée entre temps, vous avez ce qu'il vous faut. Enfin, en tout cas, après, est-ce que vous avez tout amené avec vous pour aller le voir ou pas ? À vous de me le dire, en sachant que, comme je l'ai précisé avant que Marco revienne, grâce à vos papiers, ils vous ont pas fouillé cette fois-ci, les gars, à la frontière. Je pense quand même qu'on a fait le coup, en tout cas pour moi, des grenades accrochées à la ceinture sur le manteau au cas où ça tourne mal. Je suis pas rassuré, moi, je te dis. Ah, mais oui, non, mais c'est quoi le plan ? Là, on veut juste le voir avec la bite et le couteau ? Et puis, bonjour ? Non, non, moi personnellement, je suis fidèle avec ce que. Enfin, par rapport à ce qu'on en avait parlé déjà la dernière fois, c'était que je pense qu'il faut pas s'écraser devant lui. Il faut lui dire simplement que nous, on est neutre. Déjà. On est neutre et que s'il y a un souci, eh bien, on est prêt à en discuter avec The Whale directement. Surtout qu'on est au courant qu'il fait ça dans le dos de The Whale et que. Oui, il y a ça aussi. Et qu'on n'est pas dupe. On sait que il est coutumier du fait et que c'est pas comme ça que ça marche dans le business. Surtout si The Whale apprend qu'il fait ça dans son dos, je pense que c'est pas quelque chose qui est bon pour lui. Et globalement, on laisse tranquille, il nous laisse tranquille. Ils viennent pas nous faire chier, on révèle pas ce qu'on sait sur lui. Voilà. Après, ça n'empêche pas que s'il a besoin de temps à autre de quelqu'un pour faire un petit job. Il peut compter sur nous, voilà. Mais on garde notre indépendance. Ah, voilà. C'est très drôle. Bon, maintenant, moi, comment on fait pour... Parce que c'est gentil de dire on ne s'écrase pas. Mais si tu n'as pas le flingue pointé sur sa tête, ou du moins, papa, j'exagère un petit peu, pas pointé sur sa tête. Mais si tu... Faut y aller, là en fait, je sais pas si vous vous rendez compte, là on va dans l'entrée de la gueule de le chien, de loup, de Yuski. Parce que si jamais le gars là, il a tous ces mecs qui sont arrivés, tout ce qu'il a à dire c'est bah débarrassez-moi eux. Oui, mais. Et après, on a une arme. Et après, voilà, le Mayanabi. Hein, tous les autres explosifs. Marco. Mais justement, et il faut le mettre à nouveau. Marco, ce sont des loups, tu on vois, a un loup. Attends, je t'entends pas très fort, faut que je mon monotone. Attends. Sonotone, ouais. Ah, ouais, j'aime bien. Mais Verlaine, poésie, tout ça, ouais. Là, je disais, si tu dis que c'est une entrée de loup, nous on a mieux, on a un ours. Toi pas Yougovia, donc... Quoi, tabasser tout le monde. Oui, bah, tout ce que je te dis, c'est qu'il va falloir le montrer que si jamais que nous éliminer de suite, c'est pas une option. Ok? Bah tu prends la Kalachnikov qui est dans le coffre, c'est bon, Oui, t'inquiète. Il faut espérer qu'ils vont nous laisser rentrer, que ça va pas tirer, tourner fusillade sur le parking, quoi. T'inquiète, ils vont nous laisser rentrer, ils vont être gentils. Ah, Donc, déjà, ok. on peut venir boire un verre dans un premier temps, si on n'est pas... On établit les ordres. Qui parle? Parce qu'il faut que... Je sais qu'il n'y a pas de chef, mais il faut qu'il y en ait un qui dégage le lead négociation. Qui À parle? négociation, carrément. Et business est business. Ah, moi j'aurais plus vu de l'autorité, qui dégage de l'autorité. Oui, négociation, autorité, torture, c'est la même chose. Pas pour moi. Non, même moi, Ligoyen. Écoute, on y va, et de toute façon, il faut y aller, on n'a pas le choix. On Ouais, mais on y va. Non. va pas Ok, s'asseoir devant d'accord. eux, on va pas Ok, s'asseoir, ok, on va pas ok. se coucher. On va pas se coucher devant eux, et puis c'est tout. Ok. Moi, je fais pas, hein, la négociation, hein, de torture, tout ça. Hein. Si c'est comme ça, vous gérez. Vas-y, allez, on y va. Moi, je viens juste faire le bonhomme. Le gros bras. La ceinture d'explosif. Eh, on n'est pas chez Kamikaze ici. Alors, qu'est-ce que vous avez amené du coup avec vous si vous voulez amener des choses? Dites-moi. Moi, j'ai mon... C'est un Glock, hein, tu m'avais pris, non, c'est ça? C'est un Glock. Ouais, je sais plus si j'avais pris des articles. Non, c'est Oh, un c'est des Glock blocs. moi que j'avais. Ouais, des J'avais deux blocs, ouais. Glock. J'avais un. Je vais avoir un Glock qui est dans ma veste. Enfin, tu sais, genre un porte avec un porte-flingue, tu sais. Comme les flics, là, l'espèce Ouais, de harnais, là. Et... c'était des Glock 19 qui avaient été pris Voilà, c'est par ça. Marco. Et ben, j'ai un Glock 19 avec moi. Voilà, tout simple. Je veux pas Ok. en faire plus que ce que plus. Et les autres, je crois, si vous avez. Tu as quoi, Ruby, toi, une ceinture de grenade? Ouais, je prends des grenades avec moi, au cas où. Ok. JB? Moi, je prends mon ordi et quelques clés USB. Il va lancer des clés USB. Non, c'est un ninja avec les clés USB. Il va venir les planter directement dans le cerveau des gars. Il va tout télécharger, tu vas voir. Non, Et par contre, Marco? en vrai de vrai, c'est pas con de laisser Malware. traîner un truc. Genre, même si je laisse traîner une clé USB, ça se trouve, il y a forcément un type pour la brancher sur un de leurs ordis et on peut essayer Mais de oui, les infecter. la fameuse technique de bâtard qui les gens qui laissent des cartes SD, des clés USB par terre. Mais oui, En vrai? mais tellement. Un Parce que, au pire, malware, si et là jamais il t'as un nous propose un trojan. sérieux maintenant, on essaie de choper des dossiers sur lui plus tard et on lui envoie. On lui fait un dossier, on le tient au chantage. Si jamais on n'arrive pas à l'avoir à la négociation, on l'a au chantage. Il a forcément des Mais dossiers je suis sur un lui. cheval de Troie. Vas-y, je sais. Je sais. Je sais. Jean-Baptiste, là, dans voiture, tu programmes et tu mets sur clé USB étiquette porno. Il va forcément ouvrir. C'est sûr. Film X. Truc comme ça. Faut que ça parle. C'est pas Il va faux. forcément ouvrir. C'est obligé. Alors, juste une parenthèse, là, je demande au Mets juste MJ. Du sextape. coup, Parce que du coup, il peut penser tomber sur une personnalité publique, un truc comme ça encore plus. Donc ça, c'est encore plus. On en a une personnalité publique, vu qu'on a téléchargé des films. Oui, mais ça, on le garde pour nous, ça. Ouais. C'est. Oh, c'est Voilà. bon, on peut réguler un peu, non? Non, parce que non, il faut pas. On garde toutes les cartes en main. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais programmer un malware en fait au final qui fait que dès qu'il branche sur un ordi, n'importe quel ordi, bah, ça me transfère toutes les données de l'ordi de leur serveur sur mon PC. Ouais, tu hackes le Un cheval réseau de Troie, quoi. quoi. Tu hackes le Ouais. réseau quoi. Un cheval de Troie, quoi. Ouais, un cheval de Un cheval de Troie, Troie. Ok. Je vais te demander quand même du coup un jet d'informatique, voir comment ça se passe. C'est pas forcément une des choses les plus compliquées que tu. J'ai fait 10. Non, j'ai pas fait 2, désolé. T'avais fait 3, j'ai fait 2. Ok, très bien. Du coup, bon, bah, aucun souci, t'ouvres directement ton ordi portable pendant que vous êtes encore en train de conduire. Là, vous êtes à 3 rues de l'endroit où vous devez arriver. Tu fais. Et hop, c'est fait. Tu le refermes, tu les mets dans 3 clés USB. Dans 5 clés. Tu m'as dit que t'en prenais 5, un truc comme ça. Ouais. Voilà, tu le copies-colles dans 5 clés. Hop, c'est bon, c'est parti. T'écris porno, film X, des noms de stars, tu es tout, voilà. Bruce Wayne. Explique Bruce Wayne. Batman x Poison Ivy. Je sais pas. Catwoman XXX. Pas mal, pas mal. On va chercher le nom des films sur Wattpad, on trouve des fanfics. Très bien. Et Marco, tu as l'opportunité d'avoir quand même amené quelques armes avec toi si tu le voulais. Qu'est-ce que tu as pris? Oui. Je vais prendre. Alors, je crois que j'avais commandé ça. Une AKS. C'est-à-dire une AK-47 juste avec la crosse pliable. Un truc de paranormal. Tu mets ça où? Tu m'expliques? Bah, il me semble. Attends, je suis pas sûr, mais on l'avait commandé, ou gars, une AK, non? Oui, oui, non, mais tu Il y avait un genre de fusil mitrailleur oui, qui avait été pris. Oui, il y avait aussi un Uzi, mais. Il y avait le fusil à pompe. Petit fusil à pompe. Ouais, ça que tu avais déjà, ouais. Mais... Parce que j'ai pas compris ton commentaire, Paul. Mais en fait, je veux dire, mais c'est pas le fait que tu l'as, que tu l'aies ou que tu l'aies, qu'on l'ait pas eu. C'est-à-dire, tu mets ça où? Parce que tu vas rentrer dans un bar avec un fusil mitrailleur quasiment. En bandoulière. Oh, bonjour. Oui, un fusil mitrailleur. Oui. En bandoulière. Mais en fait, c'est ça, c'est ce que je vous ai dit. Faut montrer les dents, sinon. Dans 2 secondes, t'as une balle dans la tête. Oui, mais est-ce que ça, justement, ça va pas te donner envie de mettre une balle dans la tête tout de suite en voyant arriver un gars avec un fusil d'assaut dans un... Écoute, je vais le mettre en bandoulière. Ok, ça marche. On va se faire tuer. Tu te mettras derrière. Donc, avec ça, tu prends autre chose ou pas? Marco. Moi, je vais prendre un Glock aussi, du coup. Ok. Et puis, Elles viennent que pour un, hein, j'ai envie de dire. Ok, très bien. Donc, nous avons Paul-Edouard qui se décide, du coup, de prendre d'avance, d'y aller de manière pas trop surarmée, de manière à pouvoir... Simple, quoi, tranquille. Soucis. On a donc Ruby qui a des explosifs qui sont cachés, il me semble, si j'ai bien compris. C'est ça. Sûrement au cas où. Jean-Baptiste qui se prépare à faire de la stratégie sur le long terme pour renverser la situation. Et Marco qui sera l'homme fort de cette situation vu qu'il imposera le fait que qu'il ne serait pas bon de vous tuer immédiatement. Vous arrivez donc devant le Hausberg Lounge qui est donc... Un bar qui est assez excentrique parce que ce que vous avez directement c'est qu'en guise de toit vous avez une espèce de sculpture en ferraille en forme d'iceberg. C'est vraiment très stylisé comme bâtiment. Vous savez qu'à une époque le pingouin en avait plusieurs à travers Gotham, des iceberg lounge, si ce n'est que quand il a eu des problèmes avec la justice et quand il a été avéré que c'était un baron du crime. La plupart ont été fermés, la plupart ont été rachetés par d'autres choses, ils ont complètement refait la déco. Ce que vous avez là, c'est pas le Iceberg Lounge principal, celui-ci a disparu depuis. C'est devenu un hôtel d'ailleurs. Et celui-ci, c'est un des. Le seul qui reste, et c'était un petit bar annexe. Donc il est plus petit, il est moins impressionnant. Mais il reste dans un style qui rappelle et qui rappellera toujours ce fameux baron du crime qui, pendant des années, a contrôlé Gotham. Après la chute des Falcons. Moi, je tiens juste à préciser qu'au niveau vestimentaire, j'ai quand même décidé de m'habiller plutôt bien. Genre, dans le style lounge, quoi. Donc, c'est un costume, quoi. Tu vois? Pas forcément le truc hyper balèze, mais un costume quand même. Cravate, costume. Ça marche. Ouais. Vous arrivez bel et bien devant, il y a quelques vigiles qui vous regardent et je vais vous demander de me dire comment vous avancez. Est-ce que vous avancez tranquillement? Parce que je vous rappelle que du coup vous avez Marco avec son avec son arme en bandoulière, son fusil mitrailleur en bandoulière. Je vous demandais, est-ce que vous êtes vraiment dans l'idée genre d'avancer? Est-ce que vous vous arrêtez devant eux? Je vais vous demander quel est votre comportement. Moi j'avance super tranquillement. Genre ouais, on y va. Je suis toujours venu dans ce... C'est comme si j'avais toujours... J'étais toujours venu dans ce bar. C'est pas... C'est... Pour moi, c'est un bar comme plein d'autres. Et que, ben, bah, voilà, je suis presque comme si j'étais un habitué, même si je le suis pas. J'ai rien à me reprocher. Je dirais plutôt qu'on a... Bon, enfin, moi, en tout cas, Marco, il a une démarche lente, mais imposante, un peu, comment dire... Avec des mouvements vastes, un peu, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais. Ouais. Faire sortir, comment dire, une espèce de présence, quoi. Genre le l'homme, enfin, un peu garde du corps, quoi, tu sais, qui. Tout de suite, c'est le gars que tu vois. Plutôt la détermination, voilà. Okay. C'est ça. C'est ça, ça, on ressent la détermination. Les autres, vous me dites si ça vous va comme ça. Le groupe et pareil, j'y vais vraiment pas de manière limite provocatrice, en mode comme ça on pourrait y aller avec une espèce d'assurance, en mode on vient vous niquer, enfin même tu vois, sans forcément, enfin bref. Mais juste, ouais, je pense vraiment y aller, ouais, décontracté en fait. Moi j'aime bien cette idée d'y aller justement. En fait, on est sûr de nous parce que on a notre place ici, on a le droit de venir, on met les pieds où on veut. Et puis voilà quoi. De toute façon. C'est ça. Donc vous arrivez là-devant, vous avez les vigiles du coup qui vous regardent. Il y en a un d'entre eux qui se met en travers de votre chemin, tandis que les autres ont l'air d'être un peu sur le qui-vive. Certains ont la main un peu pas loin de leur ceinture. S'ils ont quelque chose, en tout cas s'ils ont une arme, elle n'est pas visible directement à leur tenue, mais elle est sûrement dessous, ce genre de choses. Et le vigile qui se met en face de vous, c'est un gars qui a une certaine carrure, il est assez haut et il est assez large aussi. Il a le crâne rasé et le visage de quelqu'un qui, on va dire, qui s'est souvent bagarré, on va dire. Il a le genre de visage qui a été gonflé par les coups. Il se met en face de vous, il fait on vous attend. Effectivement, on a rendez-vous. On a rendez-vous avec Voka. Avec Voka, exactement. Il vous regarde, il regarde particulièrement Marco et il dit je pense pas non, que non. C'est. Je vais te demander, s'il te plaît, Marco, un petit jet alors attends, faut que je regarde ça de nouveau. D'autorité ou d'intimidation en fonction de comment tu interprètes ce que tu viens de faire. Est-ce que c'était vraiment le menacer ou est-ce que c'était juste insister sur le rendez-vous? Bon, j'ai pas eu le temps de regarder ma fiche, mais j'ai fait 83. Alors, Okay. À moins d'un miracle, intimidation ou autorité, donc c'est 50 ou 40. Ouais, bah en mélangeant les deux. Du coup, non, parce que en fait, moi je voulais aussi, si c'est possible, faire preuve d'autorité, parce que c'était un peu comme ça que je voulais jouer au départ. Ouais. Et, mais montrer l'autorité, mais pas au vigile qui est en face de nous, mais à Marco, justement. Et je retourne avec Marco et en fait montrer de la prestance autoritaire, dire c'est pas comme ça qu'on parle ici. Excuse-toi. Et donc j'ai 40 et j'ai fait 33 en autorité. Ok, je vais juste vérifier quelque chose sur ta fiche. T'as dit que ça fait combien? J'ai fait 33 et j'ai 40 normalement en autorité. Ok, ok. Parce que ça joue aussi un peu avec le standing, donc faut que j'aille vérifier des choses. Ok. Allez. Marco, je ne sais pas comment tu le joues particulièrement, si tu joues le jeu ou pas. L'autorité était envers lui, Ouais, envers toi. Hein. Une petite mue de soumission, quoi, d'humiliation. Donc le vigile, du coup, il a l'air assez convaincu par cette prestation. Aussi, il a l'air de dire, en effet, il y a quelque chose de sérieux qui se joue là. Du coup, il se dit, vous permettez que je discute avec quelqu'un à l'oreillette 2 minutes? Allez-y, allez-y. Il s'éloigne un peu de vous, tandis que les autres vigiles qui ne sont pas rapprochés de vous continuent à vous regarder d'un œil un peu quand même méfiant. Ils disent qu'il a l'air de parler a priori dans une autre langue, une langue slave, qui n'est pas yougovien. Il a l'air de parler comme ça dans son oreillette, et puis il revient vers vous et il vous dit si vous voulez bien passer par la seconde entrée. Nous avons des clients qui n'ont pas nécessairement envie de voir votre armement. Je comprends bien, je comprends bien. Il y a un des vigiles qui se détache de leur groupe et qui se propose de vous accompagner tout simplement jusqu'à une autre entrée. Je suis. Très bien. Je suis aussi. Vous suivez donc ce vigile jusqu'à une porte arrière. Il vous amène pas dans une ruelle dégueulasse ou quoi que ce soit, hein. C'est juste qu'il y a une autre porte qui est juste à côté, qui c'est une porte bien présentée elle aussi, mais qui n'amène pas a priori dans la même pièce. Et vous rentrez avec lui. Lui, il reste à la porte cependant et il vous laisse rentrer. Et vous arrivez dans une espèce de salon, on va dire, qui est plus distingué qu'une entrée pour le lounge où il y aurait plus de gens un peu qui sont juste venus pour avoir l'air un peu chic, quoi que ce soit. Là, c'est la partie qui est un peu plus pour les VIP. Et vous avez d'ailleurs une curiosité un peu excentrique comme tout ce lounge au final. Vous avez au plafond un grand requin blanc empaillé qui est suspendu au-dessus de vous, à travers toute la pièce. Vous savez en effet que le pingouin, il aimait bien avoir ce genre d'animaux marins dans sa collection, dont la plupart, quand il en avait des vivants, ont été d'ailleurs récupérés par la ville, par l'aquarium de la ville, depuis qu'il est mort ou qu'il avait eu des problèmes avec la justice. Dans ce lounge, vous avez quelques personnes qui discutent, ils vous voient rentrer, ils s'arrêtent un peu de discuter, ils ont l'air d'être un peu apeurés par le fait qu'il y ait un mec avec une batteuse qui vient de rentrer à l'intérieur. Enfin, batteuse, façon de parler. Et une porte un peu plus loin s'ouvre et vous avez un autre type qui a l'air de vous attendre du regard. Il est aussi en costard. Vous savez que ce n'est pas vos cas, a priori, mais c'est un gars qui vous attend pour vous amener un peu plus loin. Ouais, je vais dans sa direction. Vous arrivez vers lui et il vous regarde un peu et vous dit que vous voulez bien garder les armes hors de cette pièce pour la suite. Écoutez, je regarde Marco et je fais un regard pour bien lui faire comprendre que soit lui reste là avec son arme, soit il la laisse dehors. Puisqu'on n'est pas venu pour foutre le bordel non plus. Si ça peut vous conforter, ou en tout cas quelque chose comme ça, Voka me fait dire que le message est bien passé par rapport à votre entrée, en tout cas. Ok. Bon, Marco. Tu fais quoi? Ah vraiment, je pensais que ça n'a pas marché. Oui, mais je donne mes armes et quand le mec qui s'approche pour me les prendre, il fait « Si jamais tu les abîmes, je te retrouve et je te les mets dans le cul. » Toi, quand tu lui dis ça, tu vois qu'il recule un peu. Enfin, il garde l'arme dans la main du coup, mais il recule un peu. Et vous voyez que, bon, il a l'air un peu, c'est pas un des gangsters ou quoi que ce soit, ça a l'air d'être un peu plus d'un des gars directement qui bosse au lounge, mais qui est quand même en contact quand même avec ça, mais qui. Oui, c'est un petit employé, quoi. Voilà. Est-ce que il y a moyen d'essayer de cacher un Glock? Alors. Je vais te demander, s'il te plaît, un jet d'intimidation, Marco. Un nouveau jet d'intimidation. Et ta réussite dira de si ça se passe très bien ou pas. Parce que, pas par rapport au fait de le cacher, mais tu vas comprendre si tu réussis. Même question, est-ce qu'il voit mes grenades ? Eh bien... Ok. 55 sur 50. Très bien, très bien. Donc tu vois que du coup, tu lui fais un peu peur et il recule un peu. Il fait a priori passer son arme à quelqu'un d'autre qui est dans la pièce dans laquelle vous allez rentrer. Qui l'amène ailleurs, a priori. Et il vous dit, je vais devoir vous fouiller. Et il s'approche un peu de vous, vous laissez faire. Moi, j'ouvre ma veste et je lui tends mon Glock de toute façon. Je me mets en mode, pas de soucis. Et je fais ça, s'il a besoin de fouiller quelque chose, je lui écarte la veste. Je lui remets une flingue et je lui dis, bats les pattes, espèce de pervers. C'est vrai que c'est une fille, toi. C'est vrai. Et une femme, ah oui. Oui, avec tout ça qui se passe, plus Marco qui avait fait sa menace avant et tout ça, il prend juste les armes que vous lui donnez. Et au final, il ne va pas vraiment pour vous fouiller. Juste il... Pour toi, il passe juste un peu, je sais, vite fait ses mains. C'est juste, il tapote juste un petit peu sur ton côté. Il fait un peu la même chose avec toi, Jean-Baptiste. Mais il va pas vraiment pour fouiller de manière sérieuse. Il a l'air plus de le faire parce qu'il doit le faire, mais il a perdu tout le courage de le faire. Et du coup, si vous avez souhaité garder quelque chose et ne rien lui donner, ou que ce soit, il a pas fouillé vraiment. Moi, j'ai gardé une Gatling. Non, je j'ai gardé ma grenade. Du coup, je pense que je vais garder une grenade peut-être. Ok. Et du coup, Marco, tu me dis si tu as gardé ton Glock avec toi ou si tu as seulement ou si oui, tu as donné. Oui, oui, oui. Très bien. Du coup, bah, il s'écarte et il vous laisse rentrer. Vous arrivez à l'intérieur de cette pièce qui est, a priori, une zone un peu arrière, si ce n'est qu'elle est quand même chic pour une zone arrière. C'est pas comme votre bar à vous où il y a des caisses ou ce genre de choses. Ça reste un endroit qui est pensé pour, s'il y a besoin de faire rentrer des gens, des clients, que ce soit, c'est quand même présentable. Mmh. Et vous montez dans une espèce d'escalier en colimaçon qui vous permet de monter dans la structure un peu en iceberg qui est dans le toit. Et vous arrivez directement dans ce qui semble être un bureau. Avec au mur, derrière ce bureau, une espèce de renflement dans ce mur et en néon un parapluie qui est là-dessus. Et le bar qui est en bois noir. Enfin, le bureau qui est en bois noir, vraiment noir, quasiment noir onyx. Et un siège qui est l'espèce de siège bien moelleux qui est noir lui aussi. Et vous avez, assis à ce bureau, le fameux Voka. Un homme qui n'est pas particulièrement impressionnant par sa stature. Vous pouvez même deviner qu'il a l'air d'être un peu petit en termes de taille par rapport à la taille normale d'historien de Gotham. Il est un peu petit. Il n'est pas forcément, il n'est pas des grosses épaules ou quoi que ce soit. Il n'est pas mince, mais il n'est pas impressionnant, pour ainsi dire. Il a des cheveux mi-longs, un peu coiffés en arrière, et une barbe. Une barbe dont il a l'air de s'occuper très attentivement, parce qu'elle est bien taillée, elle est courte. C'est vraiment le jeu. En fait, ce type-là, vous pourriez l'imaginer, s'il était habillé différemment, en homme d'affaires à bosser chez Wayne Enterprise. Si ce n'est que là, il n'est pas habillé en costard quoi que ce soit, il est habillé un peu en tenue, au final, un peu comme s'habillerait un homme de main de n'importe quel gangster ou quoi que ce soit. Juste avec une espèce de petit blouson un peu en sky ou en cuir ou ce genre de choses. En dessous, il a une petite chemise et il a un pantalon tout à fait ordinaire. Et il est là, son bureau, il n'y a pas de papier sur son bureau, il y a quelques bouteilles. Il y a une ou deux valises, ce genre de choses, mais il n'y a pas de papier, ça n'a pas l'air d'être le gars qui fait de la paperasse. Cependant, si lui n'est pas impressionnant, les deux types qui sont un à sa gauche et un à sa droite, eux le sont. Ce sont de véritables montagnes. Ils doivent atteindre les 2 mètres, hein, pour être honnête. Ils ont une musculature de quelqu'un qui fait, qui se cultive le corps, mais véritablement, presque à la limite du bodybuilding. Et particularité spéciale, c'est que ces deux gars n'ont qu'un seul bras. Le gars de gauche a un bras de gaucher et l'autre a un bras de droitier. Et ils ont l'air chacun, du coup, ils sont habillés avec des habits un peu dans le même style que Voka, au final, des trucs un peu en cuir et tout ça, si ce n'est que beaucoup plus larges, adaptés à leur taille. Et ils sont là à vous regarder avec, a priori, des armes un peu du même genre que ce qu'a Marco. À une de leurs mains et aussi ils ont l'air d'avoir une espèce de gros couteau de boucher ou ce genre de choses à leur ceinture. Ouais. Couteau de combat, ouais. Même, je dirais. D'accord. C'est plus des usiles, les armes qui sont, parce qu'en fait l'arme de Marco il faudrait la tenir à deux mains, mais vous comprenez ce que je veux dire. Une arme mitrailleuse. Est-ce que devant son bureau, donc en face de lui, il y a combien de chaises ? Enfin, il y a combien de fauteuils ? Il y en a 6. C'est un très large bureau et il y a 6 sièges en face de son bureau. D'accord. Je m'approche du coup et je vais comme si j'allais mettre sur le siège, mais qui est le plus centré par rapport à lui, quasiment presque en face de lui. Mais je m'assois pas encore, j'attends qu'il me le dise. Vous voyez qu'il vous fait signe de la main un peu, il vous montre un peu. Il soulève deux doigts vers vous pour vous dire allez-y. Je m'assois. Ouais. Moi, Marco, il va rester debout. Pas les bras croisés, mais les deux mains, vous savez, je sais pas comment vous expliquer ça. Vous voyez un peu une pose de Peaky Blinders à moitié, les deux mains en face de les deux mains. Les mains comme ça un peu là, mais du coup avec les bras vers le bas. Attends, vas-y, je remets ta vidéo. Oui, voilà, exactement. Ouais. C'est ça, exactement. C'est comme les bras. Exactement. Ouais. Ok. Et s'il y a quelqu'un qui veut faire la même avec moi ? Allez. Qui est de la symétrie. Non, je me mets à côté de Pi, vu que je suis informaticien, j'ai un sac d'informatique et tout ça. Le style que je voulais prendre. Très bien. Donc, dans une question de symétrie, du coup, nous avons Paul-Edouard qui est assis, Jean-Baptiste à côté, et du coup, à côté de Jean-Baptiste, il y a sûrement Ruby qui fait la garde du corps au ciel aussi en termes de position, et à côté de Paul-Edouard, Marco. Comme ça, ça fait protégé de chaque côté. Très bien, vous vous installez et il est en train de se servir un verre qui a l'air d'être un verre de whisky. Et il vous regarde juste du regard avec sa bouteille comme si vous vouliez, il vous demandait sans vous le dire. Moi je veux bien, j'accepte son verre. Il en sert un, je ne sais pas si les autres font accept ou quoi que ce soit. Ok. Business d'abord. Il repose son verre, enfin sa bouteille, et il vous dit... C'est une sacrée entrée que vous avez fait là ce soir. Oh, somme toute, j'ai envie de dire une entrée normale. Oh, mais vous inquiétez pas, c'est une sacrée entrée que vous avez fait chez nous aussi. une entrée adaptée au milieu, nous ne sommes pas à Arkham City. Écoutez... Mais je comprends. Donc, comme prévu, hein, on s'était dit qu'on se reverrait dans une semaine et on a tenu parole, on est là. Alors, je sais pas si vous vous attendiez à ce qu'on vienne chez vous, mais on pensait que c'était la moindre des choses. Question. Donc, on est d'accord que c'est pas le type qu'on a vu sur notre parking C'est pas le type qui est venu vous voir, en effet. Donc, on vient pour... pour discuter un peu de tout ça. Pour être honnête, je pense qu'on est parti sur une mauvaise base. Honnêtement, après j'ai envie de le jouer un petit peu genre d'une manière paraître autoritaire mais tu sais de l'autorité mais très froide, tu sais genre pas gueuler dessus, pas genre, ouais. une autorité naturelle, pas voilà. De quelqu'un qui veut écraser, genre juste voilà. Quelqu'un qui a naturellement de la prestance. Voilà, c'est ça. Ouais, je vois. Et vous savez, moi, on est tous là pour faire du business et on a bien compris que vous aussi, vous êtes là pour le business, pour The Whale, mais aussi pour vous. On a eu l'occasion de pouvoir discuter à droite à gauche un peu de tout ça. On connaît pas trop Arkham City, pour être honnête. Mais on n'est pas naïf non plus. Et de par les discussions que nous avons eues avec différentes personnes qui sont du quartier, on sait que il n'y a pas toujours des actions qui sont faites pour The Whale. Mais il n'y a pas de souci, on comprend. Vous êtes là aussi pour faire de l'argent. Mais on tient vraiment à garder notre indépendance. Ce qui ne veut pas dire que on ne pourra pas bosser pour vous de temps en temps, moyennant argent. Et la discrétion et le professionnalisme sera toujours présent. Mais on tient, je vous l'assure, à notre indépendance. C'est important pour nous. Donc, vous avez juste attendu une semaine pour venir me dire non. Non, on n'a pas attendu une semaine. On a eu des choses à régler. On a aussi du business à nous à accomplir. On a des choses à faire. Le business commence tout juste pour nous. On veut poser aussi notre alibi dans le coin. Donc forcément, on ne pouvait pas forcément venir tout de suite. Donc on a pris le temps de la réflexion. On a pris le temps de peser le pour et le contre. Et c'est pour ça qu'on est venu le dernier jour. Je ne vois pas pourquoi je devrais accepter que vous me teniez tête. Il faut pas voir ça comme ça. On vous tient pas tête. On veut juste être freelance. Ça ne veut pas dire que vous pouvez venir nous voir, nous proposer différents jobs qui, pour vous, sont plus ou moins importants, en fonction du degré de confiance que vous pourrez nous accorder. Et attendez. Freelance, en quoi ? Vous êtes barman ? Qu'est-ce que vous savez faire ? Ah, disons que, comme vous avez pu le voir, nous sommes plutôt homogènes en termes de discipline. Mon camarade ici est présent, à côté de moi, se trouve être une personne plutôt à droite au niveau de l'informatique et des différents joujoux électroniques. Derrière moi, vous avez ma camarade Ruby qui a des compétences plutôt intéressantes dans des domaines divers et variés. Et je pense que vous avez voilà un peu de chimie, un peu de ces genres de trucs, vous savez. Et je pense que je n'ai pas besoin de décrire les compétences de mon camarade juste derrière moi. On comprend très vite ce qu'il est capable de faire. Donc, nous sommes effectivement un bar, mais nous pouvons proposer des prestations différentes à nos consommateurs. Comme un peu vous. J'imagine que votre bar est officiellement un bar, mais que vous avez des activités dans cette même pièce avec laquelle vous traitez d'autres choses. Bien, c'est un peu ce que nous voulons proposer, mais à un degré évidemment bien moins important que le vôtre. Alors, je suis désolé, mais des hommes de main, je peux en avoir quand je veux. Et je ne vois pas pourquoi je vous garderai dans les pattes. En même temps, je ne pense pas que le Our Alibi soit un endroit stratégique d'Arkham City, honnêtement. Nous ne sommes qu'un vulgaire bar, comme vous le dites. Et que nous avoir ou ne pas nous avoir, pour vous, honnêtement, ne changerait pas grand-chose. Mis à part d'avoir juste un bar de plus. C'est tout ce que vous avez à me proposer ? Non. Vous avez compris, monsieur. Nous, vous n'êtes pas obligé de faire business avec nous. Ça, bien sûr. Les affinités, les groupes, la rentabilité. Comme dit, vous avez bien mieux. Vous avez bien mieux. En revanche, je crois que vous avez compris quelque chose. Nous, notre indépendance, on est prêt à mettre les moyens pour la protéger. Alors, bien sûr, vous avez les moyens de nous éliminer. Mais croyez-moi qu'on va faire en sorte que ce soit difficile et coûteux. Et que, à choisir, un homme avisé et sage comme vous ferait mieux, sans doute, de préférer une option qui coûterait bien moins cher. Et même si cette collaboration n'est pas très fructueuse, pourrait amener une collaboration qui... Ne arrêtons de nous mentir. Nous savons très bien, je ne partage pas la même avis que mon compagnon. Mais je sais très bien que vous contrôlez tous les quartiers qui se trouvent autour de la zone de Mayalibi. Et que Mayalibi permet de faire la jonction. Concrètement, si vous contrôlez ce coin-là, bien sûr, vous contrôlez Arkham City. Maintenant, est-ce que ça vaudrait vraiment la peine d'en faire un conflit? De voir que les Ukrainiens... Excusez-moi. Les... autres, les Slaves, les Africains, les musulmans, les... Tout cela, vous voulez vraiment qu'ils se rendent compte que vous êtes en train d'essayer de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Là, c'est les petits poissons contre les gros poissons, si je peux utiliser une figure qui colle avec ambiance du bar. Et les petits poissons, ils sont malins. Ils vont pas se laisser faire. Et si jamais on travaille ensemble, oui, en gros, ils ne représentent pas grand-chose. Mais on peut avoir une relation de symbiose, une relation qui permet à tout le monde de profiter, plutôt que personne ne veut guerre. Et croyez-moi, ce n'est point un affront ou une insulte, mais nous avons moyen de mener guerre. J'avoue que ça me surprend. Je m'attendais pas à ce que vous soyez autre chose que des opportunistes qui par chance se sont trouvés un bar ou quelques flingues. Mais vous êtes chez moi et techniquement votre bar est vide en ce moment. Je ne vois pas. Vraiment pas pour comment vous pourriez mener une guerre contre moi, votre contre The Whale, contre The Whale, alors que vous êtes déjà quasiment au complet de ce que j'en sais chez moi. De ce que vous en savez, exactement, c'est vrai. Maintenant, est-ce que c'est ce que vous faites là en ce moment, on est bien d'accord, on va pas se mentir. Nous ne sommes pas naïfs et nous sommes renseignés. Vous ne le faites pas pour The Whale. Vous le faites pour vos propres intérêts. que penserait The Whale si il était mis au courant parce qu'il y aurait des conflits armés et que serait mentionné votre nom et autres de la situation. Je pense que pour lui, un bon business, c'est un business qui ne verse pas dans la guerre ou dans la guerre est la dernière des choses à faire. Le business, c'est pas bon s'il y a des coups de feu. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup de vous retrouver un petit peu embêté avec votre patron pour un vulgaire bar perdu au milieu de Arkham City? Honnêtement, je pense que ça a aucun intérêt pour vous d'en arriver là. Au contraire, vous pourriez en tirer profit si on pouvait garder ce statut et que si de temps à autre vous aviez besoin de nos services, eh bien on serait ravis de pouvoir vous aider. Vous voyez qu'il a un petit air contrarié dans le fond du regard. Il essaye de n'en laisser sortir rien, mais ça se voit dans son regard. Il est un peu contrarié, pas contrarié dans le sens qu'il s'énerve contre vous, contrarié dans le sens où il aime pas le sens dans lequel va cette situation. Il n'aime pas le fait qu'a priori vous gagniez du terrain sur lui dans cette discussion. Que diriez-vous sinon de revenir passer en discuter avec nous à l'occasion? Autour d'un verre? Non, on a déjà donné une semaine. Aujourd'hui, ce sera réglé. Vous avez raison. Je ne veux pas de conflit. Ce sera un problème, mais là où vos histoires ne fonctionnent pas, c'est que le Mayalibi se trouve dans une zone qui n'est demandée par personne. Personne n'a de mandat là-dessus. Donc, peu importe si les petits poissons, comme vous les appelez, se rendent compte que je connecte les territoires de The Whale ensemble, c'est dans notre droit absolu. Donc je ne vois pas pourquoi je devrais m'inquiéter des petits poissons qui n'ont pas de casus belli. Maintenant... Enfin. Oui. Pardon. Excusez-moi, monsieur. Maintenant, je suis d'accord avec le fait que certains de ces petits poissons sont plus énervés que d'autres. Alors voilà ce que je propose. Le Hour Alibi appartient à The Whale en termes de propriétaire attitré, mais vous êtes le bar. Vous êtes le bar. Vous gérez, ce seront vos hommes, et nous avons le droit, nous faisons passer ce qu'on veut dans votre bar, d'un territoire à l'autre. Ainsi, nous prenons ce qui nous intéresse et vous gardez ce que vous voulez garder. Assez discrètement de mon côté, je fais un petit... de sorte à ce qu'il n'entende pas, mais d'essayer de faire comprendre au reste de mon groupe que personnellement je ne suis pas du tout pour. C'est ce que je t'ai dit en écrit. Tu vois, du coup que... Jean-Baptiste, tu ouvres ton espèce de PC portable en plein milieu du rendez-vous et tu vois que du coup il te regarde et avec un air un peu de qu'est-ce que tu fais quoi. Enfin genre il te le dit pas mais genre il te regarde avec un air un peu étrange de pourquoi tu sortirais un PC là-dedans. Désolé, je retranscris par écrit ce que vous dites, comme ça au moins on a une trace écrite de certaines choses. Je peux me faire la branche. Vous voulez aussi que je vous appelle le commissaire Gordon tant que vous voulez. Travaille encore? Je crois qu'il a repris son poste. Mais non, je garde une trace écrite quand même pour nous, pour savoir, hein, pour nous. Non, pas de trace écrite. Qu'est-ce... Avec quoi vous travaillez? C'est quoi ce type? Autant. JB, s'il te plaît, ferme-le. On veut pas créer de problème. Y a pas de souci. Du coup, s'il te plaît. Écoutez, j'ai l'impression que ce que vous nous proposez finalement, c'est la même chose que ce que vous nous proposiez dès le début en fait. C'est que vous preniez le contrôle de notre. Bah, vous nous avez demandé de bosser pour vous finalement et que le Our Alibi serait la propriété de The Whale. Et là, vous nous reproposez exactement la même chose, mais dit différemment. Après, je peux... Bah, vas-y. Est-ce que vous êtes prêt à concéder, Marco? Vas-y. Moi, surtout... Voilà. Qu'est-ce qu'on met en jeu ici? Soyez honnêtes. Notre vie. Comme vous dites. Vous faites ce que vous voulez. On n'est plus là. Très bien. Maintenant. Qu'est-ce qui va empêcher nos employés, nos hommes, qui sont au courant parce que... Vous savez très bien qu'on ne prendrait pas le risque de venir ici sinon, d'aller à Bloodhaven, d'aller voir The Whale, et de lui expliquer ce que vous faites dans son dos. C'est notre seul moyen de pression, mais croyez-vous, nous avons fait en sorte de nous assurer que ça marche, que si nous ne revenons pas, ça partira d'une façon ou d'une autre. Et vous aurez beau essayer, croyez-moi, on a tout prévu. Partirons pas de Mayarebi. Sera même pas d'Arkham City. Vous pourrez jamais trouver le gars, vous pourrez jamais l'intercepter. Et là, peut-être qu'on sera 6 pieds sous terre, mais je donne pas cher de votre peau non plus. Après, nous sommes venus ici... En pensant que nous avions plus intérêt à travailler ensemble dans une bonne entente. Et je pense que vous êtes quelqu'un qui est assez intelligent pour voir que votre intérêt n'est pas de partir dans un conflit, mais plutôt dans une entente cordiale. Et dans un partenariat qui peut être très intéressant pour vous et pour nous. Comme vous le dites, si vous voulez faire transiter des choses via le Our Alibi, il n'y a pas de problème. Sachez qu'on peut tout à fait s'arranger et que selon vous, ce que vous voudrez faire, on pourra tout à fait le faire. Voilà, on pourrait même envisager, je pense, mais je ne regarde pas mes camarades, mais avoir un partenariat privilégié avec vous, avec The Whale, bien entendu, et que le Our Alibi soit un peu plus proche de vous que des autres, si c'est cela que vous souhaitez, et si on peut faire un pas vers vous. Seulement, sachez que nous tenons malgré tout à cette indépendance, mais on peut tout à fait trouver un partenariat privilégié avec vous. Je pense que c'est honnête. Je veux pouvoir faire passer n'importe quelle marchandise par votre bar, vous restez propriétaire. Et nous prenons un pourcentage sur les recettes. De 60%. Sur les recettes du bar? Du bar. Oh. Je vais recommencer à fumer, moi. Non mais... Est-ce que vous nous autorisez à discuter entre nous en privé? Ouais, je pense que ça vaut discussion. Très bien. Si vous permettez. Pouvez, je rajouterai seulement que Je ne pense pas que vous vous rendez compte que ce soit The Whale ou quelqu'un d'autre, il arrivera forcément un moment où votre petit quartier appartiendra à quelqu'un. Et forcément, votre bar finira par appartenir à quelqu'un. Vous pouvez discuter. Allez-y. Ok, on se réunit un peu en mode Fort Boyard, là on est tous ensemble, et moi ce que j'aimerais dire c'est qu'en vrai, les recettes du bar, on s'en fout un peu. C'est pas comme ça qu'on va faire du pognon. Nous. Après, je pense que malgré tout, on peut accepter, mais pas 60, parce que il faut quand même montrer que on est quand même le bar, c'est quand même notre business. Et si on lui donne plus que ce qu'on met, plus que, donc je verrais plus un 60-40, mais en notre faveur. Et comme ça, on lui donne 40%. On fait un pas vers lui, on accepte quelque chose quand même, enfin on accepte, on dit oui à sa proposition, mais à 40%, lui comme ça, bah, ça lui fait plaisir, il ne cassera pas les couilles, et en même temps, ça nous crée quand même un lien avec lui, et voire même avec The Whale, pour du business futur, tu vois, quelque part. Alors, moi j'aimerais mettre en perspective deux choses. Et là, bon, je sais qu'on est dans le bar, tout ça, que normalement on ne ressent pas cette conversation. Mais je pense qu'il faut se dire que qu'est-ce qu'on veut comme objectif à terme, qu'est-ce qu'on veut comme stratégie. Et on va le voir. Jusqu'ici, ce qu'on a avancé plutôt, c'est on parlait de braquage. Oui, mais que le hour, c'est l'ouverture, en fait. Mais en fait, je vous rappelle quelque chose. Le gars, il est venu nous voir, il nous a dit « Fondez votre empire. » Et l'argent, bon, je pense qu'on a déjà dû en dépenser pas mal. Mais c'est pas un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Et les braquages, c'est... Enfin, je suis toujours d'accord avec... Mais justement, nous, ce qu'on veut faire, c'est prendre possession du quartier, en fait. Oui. À terme, pas immédiatement, oui, ça paraît compliqué. On n'est pas en position de force aujourd'hui. Justement. Il faut lâcher un bout de gras, je pense. Et je pense que du coup... accepter de donner un chiffre d'affaires... Enfin, et qu'on essaye de négocier... le plus bas possible, on fait 20, on fait 30, enfin voilà, et on arrive au milieu, on arrive à 40, vous voyez ce que je veux dire, ou un peu plus, ou un peu moins, voilà, mais oui, il faut qu'on donne l'impression que c'est notre business, effectivement, puisqu'il faut pas qu'on donne l'impression qu'on veut prendre le contrôle du quartier, ou qu'on va faire des braquages ou quoi, donc je pense que on continue à négocier, voilà, à la 20%, 30%, 40%, voilà, on voit sur quoi on arrive à faire marché conclu. Puis après, nous, on se débrouille pour la suite. Mais pour la suite, il faut garder en tête ce qu'on veut comme objectif à terme, c'est prendre le contrôle du quartier, qui est super stratégique, parce que en fait, on est vraiment en plein milieu d'Arkham City. Tous les gens, pour aller d'un quartier ou un autre, ils sont obligés de passer par chez nous, quasiment. Oui, oui, non, mais c'est pour ça. D'où le fait que notre indépendance était obligatoire et on pouvait pas on devait être intransigeant par rapport à ça, mais qu'après les revenus du bar en tant que tel, pour nous c'est anecdotique, puisque le bar reste quand même une couverture, c'est pas le central du business en fait. Donc bon. Quelque part de lâcher un petit peu de lest par rapport à ça, mais faire bonne volonté, mais tout en ayant quand même conservé le plus important, c'est-à-dire notre indépendance, pour moi, c'est nickel. Parce que quelque part, en plus, quelque part, les choses vont se savoir de toute manière, et que le fait qu'il y ait eu un deal entre nous et Voka, donc quelque part indirectement avec The Whale, les gens ne vont pas forcément venir nous casser les couilles, tu vois. Parce que... Donc, question plus terre à terre. Oui. Qui est le plus fort au marchandage? C'est pas moi. Pas du tout. Moi, en négociation, je suis une chèvre absolue. Ah, il y a marchandage. Hein. Oui, mais marchandage, je suis à zéro. Donc, moi, déjà, je peux pas. Okay. Après, moi, personnellement, j'aurais pu jouer ça sur l'autorité, tu sais, genre être intransigeant. Mais après, c'est vrai que ça vaut. Mais là, en fait, c'est bon. Là, le gars, il s'est rendu. En fait, tu vois, l'autorité sert plus à rien. Là, il est, comment dire. Ouais. Il a give up, tu vois, et là c'est juste négocier les chiffres enfin, qui nous reste à faire. Moi j'ai 40. Bah, je pense que c'est toi qui as le plus de marchandage du groupe, hein, il me semble. Okay. Hein, il n'y a pas que le marchandage aussi, il faut savoir aussi charmer la personne en face. Oui, mais. voilà, en termes de social, il y a... Pardon, désolé. Parce qu'en charme, toi, j'imagine, t'as combien, toi? J'ai 50. Ouais. Après, vous pouvez très bien tout à fait le jouer en duo. Que ce soit quelque chose de... Vous n'êtes pas obligé d'avoir qu'une seule personne qui fasse le taf et que ce soit un duo qui amène les choses. Après, la seule chose, c'est qu'on se mette d'accord sur... le plus haut qu'on puisse monter en termes de pourcentage pour accepter, je pense que 40% c'est le plus haut. On pourra, faut pas aller à 50 parce que indirectement c'est accepter qu'il y ait 50% de notre business et qu'on soit 50-50. Qu'on ait plus, c'est psychologiquement ça, c'est quand même important. Maintenant, après, je vous laisse gérer le côté marchandage, séduction, bon. Charme, tout ce que vous voulez. Et bah, on va retourner le voir du coup. Ouais. Vous vous réinstallez à vos places. Et il est en face de vous. Donc, cette fois-ci, du coup, je vais prendre la place de Paul-Edouard. Ouais, je me mets derrière. Moi, je me remets à côté. ~60%, c'est pas acceptable. Notre business. On peut pas vous donner plus de la moitié. Il va falloir le descendre. 20%. Tu peux me faire un jeu en marchandage, s'il te plaît? Il s'est enfui. Il s'est cassé en croix. J'ai fait 10. Ah. Pas mal. Tu vois qu'il te regarde, du coup, il fait... Je vous fais déjà de sacrées faveurs en proposant ce marché-là. Par rapport à ce qui était initialement prévu. Après, je pourrais proposer autre chose en plus des 20%. Je dirais... Vous avez dit pas plus de la moitié, donc je dirais 40. Je regarde les autres. Moi, je fais un signe de tête comme ça, genre. Deal. Et je t'en la main. Tu veux rajouter quelque chose, Jean-Baptiste, avant que la main soit serrée ou... Moi, je vous propose 30% et je vous refais la sécurité cybernétique pour votre entreprise qui est potentiellement faible et vous aurez aucun problème au niveau informatique, du hacking et tout ça. Je l'ai déjà fait pour les triades, si vous voulez savoir. Et ça fonctionne chez eux. Fais-moi un G, s'il te plaît. J'ai fait 12. 30% et... Tu travailles à la sécurité. On a un T. Et du coup, il serre la première main qui est tendue vers lui parce que du coup tout le monde veut serrer la main là, mais. Moi je serre pas. Il serre une main. Il serre. De toute façon, il en serre qu'une seule. Il n'y a pas vous serrer la main les uns après les autres. Hein. Il en serre qu'une seule. Enfin, il se lève et il serre une seule main. Pour être un peu plus poli tout de même. Et. C'est ainsi que le marché est conclu entre vous et Voka. L'avenir nous dira si c'est un marché qui a de l'avenir ou si c'est un marché qui posera problème ou qui ne mènera à rien. Qui sait? En tout cas, c'est là-dessus, je pense, que nous allons terminer. Non, niet. Niet? Niet. Oui. Qu'est-ce que tu veux, Niet? Oui. Monsieur Vodka. Oh putain, il va te demander sa vodka. J'ai petit... voilà. Est-ce que, par hasard, vous avez déjà vu cet homme? C'est mon cousin. Il s'appelle Hilal. Et il est arrivé ici, il y a quelques années, à Gotham City. Il est yougovien comme moi. Et j'ai plein de nouvelles. Ça vous dit rien? Attendez, je vais jeter un dé pour vérifier. Enfin, je vais y réfléchir. Comment vous avez dit qu'il s'appelait? Hilal. Fétisseur. Il avait supermarket là. Enfin, épicerie. Je sais pas quoi là. Ça a vachement aidé. Oui. Le business. Je pense. Je ne connais pas particulièrement, mais j'ai un homme qui doit pouvoir connaître. Si vous voulez lui parler, il est là. Oui. Très bien. Et du coup, il appuie sur un petit truc qui a l'air d'être sur son bureau, et enfin sur un espèce de téléphone qui est sur son bureau. Il appelle un type qui a l'air de s'appeler Kiro. Et du coup, un type rentre dans le bureau, un autre type assez ordinaire, mais qui a l'air de... qui est en tenue un peu d'un mec qui bosse aussi pour le lounge. Il regarde ta photo, il écoute tes informations que tu lui demandes, et il dit « Oui, je connais votre homme. Il me semble qu'il s'occupait... je veux qu'il regarde un peu dans la direction de Vodka pour voir s'il peut dire telle ou telle chose ou ce genre de choses. Et Vodka fait un petit signe de tête, il dit « Il s'occupait de certaines affaires que nous faisions à l'époque du pingouin en lien avec les gens de... Kingston District et des souterrains. C'est tout ce que je pourrais dire sans que ce soit trop incriminant. Les clochards? Sous terre, oui. Ceux qui vivent dans le parc, là? Non. Je ne suis pas sûr de quoi vous parlez, mais il y a beaucoup de choses sous terre. Beaucoup. D'accord. Mais si et vous pas voulez... de nouvelles depuis? Non, pas de nouvelles depuis un certain temps. Mais si vous voulez plus d'informations sur l'autre côté de nos relations avec eux, vous pouvez aller voir du côté de Kingston District. Il me semble que c'est toujours lié à ce qui se passe là-bas. Bien. Merci. Je souviendrai de ça. Sa bon faveur, sa bon business. Je... Bien. Merci. Il hoche la tête et quitte la pièce. Et vous-même, vous quittez rapidement la pièce. On vous rend ce qu'on vous a confisqué à la sortie. Vous reprenez votre voiture et vous roulez vers la fin de cette session.